voilà, donc aujourd'hui on accueille Fanny Rinck. Donc Fanny est maître de conférence à l'UFM de Grenoble. Donc université, c'est Grenoble-Alpes. Hein. Oui, ça c'est le nouveau nom. Le nouveau nom, voilà. Donc Fanny a fait sa thèse de doctorat donc, sur l'article scientifique, plutôt dans le champ de la linguistique et des études, vous me corrigez, hein, et des études littéraires. Elle s'est intéressée à la figure de l'auteur et au poids de l'identité disciplinaire, notamment au sujet des publications, d'articles. Récemment, elle a participé à la coordination d'une revue qui s'appelle Scripta, donc une revue brésilienne, qui a donc été faite en collaboration avec la France, notamment avec Grenoble. Et cette revue est consacrée aux pratiques de lecture et d'écriture dans la formation universitaire et la vie professionnelle. Voilà, donc c'est par rapport à ça et par rapport à la thématique de la publication qui est donc assez fréquente dans ce séminaire depuis 5 ans qu'on l'a invitée. Je fais un petit peu mon auto-promotion puisque j'ai contribué à cette revue, donc un article qui s'appelle « Socialisation à l'écriture et formation des doctorants ». L'université nous apprend-elle à faire une... Je ne sais pas sous quel nom c'est paru finalement, sous quel titre c'est paru, parce que j'ai pas encore eu celui-là, ouais, parce que j'ai pas encore eu le numéro dans les mains. Mais c'est quelque chose comme ça. Donc cette revue malheureusement n'est pas disponible en France puisque c'est une revue papier, mais si vous le savez, enfin, je vous informe, d'ailleurs vous pourrez vous-même vous en servir, il y a plusieurs moyens de rendre visibles vos publications. Les deux moyens, je pense, les plus fréquentés sont donc les archives ouvertes de HAL, HAL, donc vous pouvez placer vos papiers, y compris vos working papers, vos articles, vos présentations, tout ce que vous voulez sur ça, il suffit de s'inscrire, d'accord. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est un site qui s'appelle academia.edu, que je vous conseille vivement déjà de vous inscrire et puis ensuite de fréquenter. Donc vous pouvez vous inscrire, déposer vos papiers, comme ça, si des gens cherchent des papiers à vous parce que, je sais pas, vous allez être recruté ou parce que vous postulez pour une bourse ou n'importe quoi, et ben vous pouvez renvoyer directement à vos papiers version électronique, d'accord. Donc il faut juste faire attention, certaines revues ont des éléments sous droit d'auteur, notamment la maquette, donc mettez plutôt une version auteur, donc une version Word ou PDF sans la maquette de la revue, d'accord, et pas forcément un scan ou le PDF informatisé de votre article directement. Comme ça, ça vous donne un petit peu plus de visibilité, et puis si vous avez une page sur votre labo consacré aux doctorants, bah, vous pouvez renvoyer directement le lien électronique, donc quelqu'un qui cherche à connaître vos travaux pourra directement les lire. C'est toujours plus pratique hein, que d'envoyer des versions papier. Et puis vous avez, c'est des réseaux sociaux aussi, hein, Academia, etc. Donc vous pouvez suivre des gens qui ont des thématiques proches des vôtres, et évidemment ils peuvent vous suivre. Hein, donc c'est une manière aussi de se connecter, et c'est une donc Academia.edu, c'est on va dire un site à périmètre mondial. Hein, donc si vous avez, si vous mettez des bons mots-clés, vous pourrez tout de suite entre guillemets en contact avec des gens qui travaillent sur des sujets d'intérêt proches des vôtres. Voilà, aujourd'hui on va s'intéresser aux pratiques d'écriture de l'article en sciences humaines à travers une approche en corpus, voilà, c'est la deuxième partie du titre que je n'avais pas. Je rappelle la formule, donc on veut quelque chose d'assez interactif, n'hésitez pas. En particulier l'article de recherche à partir d'une analyse de texte, d'où le sous-titre « Une approche en corpus ». Et ce que je vais présenter ici est issu de mon travail de thèse qui commence à dater un peu puisque je l'ai soutenu fin 2006. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que j'ai prévu de parler une heure, donc ça fait beaucoup, mais n'hésitez pas effectivement à m'interrompre et puis on gardera comme ça quand même du temps pour la discussion ensuite. Alors, un rapide préambule. Pour dire qu'il me semble que cette question de l'écriture de l'article peut intéresser les apprentis chercheurs que Bourdieu appelle les nouveaux entrants dans le champ scientifique. Et il dit dans « Sciences de la science et réflexivité » que la thèse est finalement le droit d'entrée dans le champ scientifique. Mais on sait aujourd'hui que la thèse ne suffit pas et on demande aux doctorants de commencer très tôt à publier. Donc, on peut s'intéresser, si on essaie de mieux accompagner les doctorants dans ce travail d'écriture, on peut s'intéresser à des genres comme l'article de recherche ou encore les propositions de communication pour pouvoir aller présenter ses travaux dans des colloques. Alors moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture scientifique, c'est le lien entre l'écriture et l'épistémologie, d'où le fait que j'ai mis dans le résumé que vous avez peut-être vu, j'ai conseillé un texte de Patrick Schmoll que je trouve très bien parce que assez bref, assez clair et qui montre en quoi l'écriture est souvent un point aveugle de l'épistémologie. Je mets également une référence à un article que j'ai fait qui a pour intérêt d'être un état des lieux sur les analyses linguistiques du discours scientifique. Donc en quoi les analyses de textes, de discours peuvent intéresser le champ des science studies. Ce qui m'intéresse également, c'est de questionner ce qu'on appelle la littératie avancée, donc des compétences avancées en lecture et en écriture. Je parle d'acquisition tardive et je mets des guillemets parce que quand on s'intéresse aux acquisitions du langage, on parle d'acquisition tardive du langage vers 10 ou 11 ans. Alors qu'en fait, on se rend compte que même adulte, on est amené à découvrir de nouveaux genres, de nouvelles pratiques de lecture et d'écriture tout au long finalement de notre vie. Et ce travail sur l'écriture scientifique s'inscrit aussi dans le cadre d'un enjeu de réflexivité qui consiste à s'interroger sur les pratiques d'une communauté et les attentes. Donc voilà quelques questions qui ont parcouru mes travaux. Qu'est-ce que c'est une bonne problématique? On demande aux étudiants de trouver une bonne problématique. Qu'est-ce que c'est une posture d'auteur, puisqu'on dit qu'ils ont des difficultés, les étudiants, à construire une posture d'auteur. Ou encore, quels sont les critères d'évaluation d'une proposition de communication? Donc ce type de questionnement. Alors mes travaux portent à la fois sur les écrits scientifiques et les écrits universitaires, c'est-à-dire que d'une part je me suis intéressée aux écrits des chercheurs dans le cadre de leur activité de recherche, et d'autre part je m'intéresse aussi aux écrits d'étudiants dans le cadre de la formation à la recherche et par la recherche. Donc dès la licence, on demande aux étudiants parfois de réaliser des mini-mémoires, donc petit à petit on les forme comme ça à des écrits de recherche, et c'est une caractéristique vraiment de la formation à l'université, hein, cette dimension, cet adossement à la recherche. Je me situe dans le cadre de l'analyse des textes et des discours d'une part, et d'autre part le champ qu'on appelle celui des littératies universitaires et de la didactique de l'écrit dans l'enseignement supérieur, l'idée étant d'accompagner les étudiants dans ces travaux d'écriture qu'on leur demande, et à travers ça dans les travaux de recherche qu'on leur demande. Et donc j'étudie ces pratiques d'écriture autour notamment de la question qu'on peut appeler du positionnement ou de la posture d'auteur, ou encore de la figure de l'auteur, de l'image de l'auteur. On trouve dans la littérature beaucoup de mentions de ce phénomène-là comme un fait central des écrits de recherche. Et moi, en tant que linguiste, je me demande à quelles caractéristiques ça correspond dans les textes. Alors pour vous donner une idée un petit peu concrète de ce que ce sont ces questions de positionnement, de posture d'auteur, de figure de l'auteur, je vais prendre deux exemples, mettre en perspective en fait un exemple tiré d'un article de chercheur très expérimenté avec ce qu'on peut trouver dans un écrit d'étudiant. Alors voilà un extrait d'article de sciences du langage d'un chercheur très expérimenté. Traiter ce phénomène comme un cas d'anacolute et l'interpréter comme la source d'un effet de rupture ou de surprise revient à raisonner dans le cadre étroit des relations syntaxiques et à ne pas prendre en compte le palier de traitement pertinent. Alors là, c'est vraiment un extrait très emblématique de l'argumentation dans l'écriture de recherche. On a ici ce qu'on appelle un effacement énonciatif, c'est-à-dire que l'auteur ne dit pas « je pense que » ou « mon avis est que » ou « ma thèse est que ». Hein. Et pour autant, il y a une prise de position qui est très forte, qui est même polémique, puisqu'il est en train de s'opposer à d'autres approches. Il dit que ces autres qui ont vu dans le phénomène un effet de rupture ou de surprise résonnent dans un cadre étroit et ne prennent pas en compte le palier de traitement pertinent. Donc si vous voulez, c'est l'insulte rituelle, mais dans le monde scientifique, hein, avec des procédés caractéristiques. Alors un second exemple qui est un écrit d'initiation à la recherche par un étudiant de troisième année de licence. Ce sont des étudiants à qui on a demandé de réaliser des parties théoriques, hein, donc c'est vraiment les débuts de l'écriture théorique. Alors voilà un extrait. Ah mince, je vois qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a sur ma diapo. Pour nous étudiantes, qu'est-ce que l'écrit? C'est un moyen de communication avant tout pour exprimer sa pensée, pour exprimer aux autres ou à soi-même sa pensée. Selon nous, c'est quelque chose qui reste par rapport à l'oral. L'écrit est également omniprésent dans notre vie. si nous regardons des définitions plus attestées. Donc là, ici, on voit comment se construit une posture d'auteur, hein, avec bon, tout un tas de choses à commenter, notamment ce clivage entre pour nous étudiantes et puis si nous regardons des définitions plus attestées. Et c'est ce type de phénomène que j'étudie pour analyser donc les effets de posture d'auteur dans les écrits de recherche. Alors voilà ce dont je vais parler. D'abord, donc le genre de l'article de recherche en sciences humaines. Hein. Quelles sont les normes en usage et quelles sont les variations suivant les disciplines et suivant le statut de l'auteur. Et puis ensuite, je montrerai assez rapidement en fait comment ces travaux de description d'un genre peuvent permettre de déboucher sur des propositions didactiques et même des outils d'accompagnement des étudiants à l'écrit de recherche. Étudiants ou apprentis-chercheurs, on pourrait dire. Alors, je commence donc à propos du genre de l'article de recherche. Et comme je vous disais, je vais parler en fait de ce que j'ai fait dans mon travail de thèse. Donc je présenterai le cadre assez vite de ce travail. Je montrerai qu'on a affaire à une argumentation ritualisée. J'en viendrai ensuite à la comparaison entre disciplines. J'ai étudié deux disciplines, les articles de sciences du langage et de lettres. Alors évidemment, ça vous concerne peut-être pas tous, mais je pense que vous retrouverez quand même des choses, en tout cas vous pourrez mettre en perspective avec ce qui se passe dans vos propres disciplines. Et ensuite, j'exposerai des éléments de comparaison de l'écriture des articles suivant le degré d'expertise ou le statut descripteur. J'ai comparé des articles de doctorants avec des articles de chercheurs plus expérimentés. Alors, les objectifs de cette étude étaient d'étudier donc le genre de l'article de recherche, de le caractériser linguistiquement. Et quand on parle de genre, on suppose qu'il y a quelque chose d'un peu stable, donc un certain nombre de normes, mais il y a évidemment aussi une diversité. Il n'y a pas deux articles qui sont complètement identiques, donc il faut rendre compte à la fois des normes et de la diversité. Je me suis intéressée à certains facteurs de variation du genre, les disciplines, l'expertise du scripteur, donc c'est les deux facteurs dont je parlerai aujourd'hui. Je me suis également intéressée au style d'auteur, mais j'en parlerai pas ici. Et l'enjeu, c'est d'analyser à travers les textes les communautés discursives où ces textes sont lus et écrits, donc notamment en termes de figure de l'auteur, et avec l'idée que les manières de dire sont aussi des manières de faire et de penser propres aux disciplines. Donc d'un point de vue méthodologique, j'ai constitué un corpus d'articles de recherche en français. Il y a 110 articles en lettres, 110 en sens du langage, et en tout 35 articles de doctorants, avec tout un tas de critères de sélection, mais je passe les détails. Donc je vous ai dit, l'idée était de caractériser linguistiquement ce genre, donc je me suis intéressée à des aspects un peu macro, la structure des textes, des aspects sémiographiques, est-ce qu'il y a des tableaux, des schémas, ce genre de choses. Ensuite, tous les aspects morphosyntaxiques et lexicaux, donc comment sont construites les phrases, quels sont les temps verbaux, quel lexique on trouve dans ces articles. Et enfin, les aspects énonciatifs, donc tout ce qui a trait à aux marques de subjectivité et de polyphonie, par exemple le discours rapporté ou le fait d'utiliser des guillemets, ce genre de phénomène. Également, toute la question des sources auxquelles on se réfère dans l'article. Et j'ai mené des analyses à la fois quantitatives et qualitatives à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Cordial Analyzer et de tests statistiques pour les besoins de la comparaison. Alors, on commence avec l'idée qu'on trouve dans les articles une argumentation ritualisée. Et je vais évoquer trois aspects. Tout ce qui concerne la prise en charge énonciative. Alors, c'est un lexique qui vous paraît peut-être un peu spécialisé, mais bon, on va voir ensuite concrètement avec des exemples à quoi ça peut renvoyer. Tout ce qui concerne l'axiologie, c'est-à-dire l'expression de jugement de valeur dans les articles. Et puis, tout ce qui concerne enfin le cadrage dans les introductions d'articles, qui sont un lieu important, évidemment, d'un article de recherche. Alors, la prise en charge énonciative, ça rejoint un petit peu ce que j'ai montré dans les deux exemples que j'ai cités au départ. On a dans les articles de recherche ce qu'on appelle un effacement énonciatif, donc un effacement du locuteur, et la manifestation de ce qu'on appelle une subjectivité modale, c'est-à-dire qu'on ne va pas tellement trouver le jeu du scripteur empirique, de la personne physique à l'origine du texte. En revanche, on va trouver très clairement son point de vue qui est exprimé, hein, donc c'est pour ça qu'on parle de subjectivité modale, qui renvoie au point de vue, à l'attitude du scripteur par rapport à ce qu'il dit. Alors, un exemple que j'aime bien, qui est tiré d'un article de Science du langage, tous ces exemples militent en faveur d'une approche unifiée de la citation, où les exemples se voient dotés d'une capacité à militer. Voilà. Donc ça, c'est assez caractéristique, en fait, des aspects énonciatifs de l'article de recherche. Et si on étudie de près le il impersonnel, l'usage du il impersonnel, c'est intéressant parce que donc il y en a de très nombreux dans des tours comme il y a, il existe, il s'agit, il faut, il convient d'eux, il est vrai, il est certain, il est frappant. Donc tous ces patrons linguistiques sont intéressants à repérer parce qu'ils sont très utilisés. Et c'est intéressant parce qu'ils permettent à la fois l'effacement et en même temps du coup de défendre aussi des positions très fortes comme dans « il conviendrait assurément d'étudier de plus près ». Et donc on parle en fait de surénonciation pour dire que le point de vue attribué au locuteur domine le jeu énonciatif. Mais bon là c'est des aspects peut-être un peu techniques. Alors, en termes d'axiologie, donc de jugement de valeur qui sont émis dans l'article, j'ai dit de manière un peu caricaturale tout à l'heure qu'on avait affaire à des insultes rituelles entre chercheurs. Si vous voulez, c'est un petit peu ça, les jugements de valeur. On ne va pas dire que tel auteur est vraiment médiocre, mais on va trouver d'autres manières de dire ce qui est intéressant et ce qui l'est moins. Alors, il y a tout un paradigme de l'obscur et du clair. On reproche à certaines approches leur obscurité, le flou, le fait d'être guetté par la confusion, de présenter des zones d'ombre. On parle de points aveugles. Et à l'inverse, on propose d'offrir des éclaircissements, des clarifications, de faire le point pour y voir plus clair, de mettre en lumière tel ou tel phénomène. Un autre paradigme, c'est celui de l'étroit et du large. Donc on reproche à certaines approches de raisonner dans un cadre étroit, d'utiliser des notions réductrices. On reproche aussi, attention, les dangers d'une globalisation excessive. On défend des approches plus larges qui intègrent différents niveaux d'analyse, donc de manière intégrative, ça c'est très important, hein, toujours intégrer différents niveaux. Autre paradigme, le superficiel versus le profond. Donc on critique les analyses impressionnistes qui se contentent de survoler tel ou tel phénomène. Tous les éléments que je mets là, c'est tiré d'articles, hein, c'est vraiment des patrons linguistiques un peu récurrents, caractéristiques. On critique également les interprétations simplificatrices, la simplicité apparente, et on propose au contraire d'aller plus loin, d'approfondir la réflexion, de creuser les problèmes dans leur complexité. Enfin, il y a un paradigme récurrent aussi, c'est le traditionnel, hein, qu'il s'agit souvent de dépasser par des approches nouvelles. Donc ça fait partie d'une sorte de doxa finalement, hein, dans l'écriture. Alors enfin, on voit aussi que l'argumentation est ritualisée au niveau des introductions et de ce qu'on appelle le cadrage. Hein, l'introduction offre un cadrage. Donc nous, on s'est intéressé à cette question avec des collègues grenoblois à partir d'études de John Swells qui avait très bien montré que tout l'objet de l'introduction, c'est de créer une niche. D'accord, le chercheur doit se positionner en créant une niche. On a essayé de mettre en évidence qu'il y avait différents modèles en fait d'introduction. Donc à partir de ce modèle un peu unique de Swells, on a essayé de décliner différents modèles possibles en sciences humaines, alors que Swells c'était plus général. Alors toujours dans une introduction, il faut montrer que la question qu'on va étudier est une question centrale dans le champ de recherche. Et ensuite, ça va donner lieu à diverses stratégies. Soit on va mettre l'accent sur l'intérêt intrinsèque de l'objet qu'on se propose d'étudier. Soit on va passer par des références aux travaux existants, au déjà-là, ce qu'on peut appeler le déjà-là dans le champ scientifique. Et quand on fait des références au déjà-là, on a différentes options. Soit on va dire qu'on se situe dans une perspective cumulative, avec éventuellement un effet de... On s'inscrit en position d'allégeance, dans la continuité de tel ou tel maître. Soit on va dire que dans le déjà-là, justement, il y a une absence de travaux. Et donc, la niche qu'on vient créer, c'est une niche qui est ignorée dans la communauté scientifique. Donc ici, un exemple. Si depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, on a timidement commencé à s'intéresser à, etc., il n'existe pas d'études d'eux. Donc ça, c'est pareil. C'est vraiment une sorte de doxa. C'est très ritualisé. On trouve ça dans beaucoup d'articles, hein, ce constat de lacune dans l'existant. Et puis, on peut avoir aussi une remise en cause du déjà-là. Alors ici, donc, sur un extrait d'article sur la politesse linguistique, où on dit qu'elle est souvent associée implicitement à, et l'objectif dans l'article va être de remettre en question quelques conceptions qui ont toujours cours. Alors, cette argumentation ritualisée, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir comme caractéristique? On a affaire à des patrons linguistiques récurrents, que j'ai essayé de citer là au fil de mes diapositives, qui correspondent aussi à des moules rhétoriques, hein, le fait de créer une niche, par exemple, dans l'introduction. Donc, l'article se présente comme un genre fortement routinisé. Hein, il y a des routines en tant qu'apprenti-chercheur qu'on va apprendre à découvrir, à manipuler. Mais il y a quand même des profils diversifiés de textes, évidemment. Quand je dis qu'il y a un effacement énonciatif, par exemple, on trouve quand même des textes où le scripteur utilise le jeu, hein, c'est pas interdit. Il y en a qui utilisent au contraire, qui vont tout faire pour l'éviter, donc ils vont multiplier le « il » impersonnel ou le passif. Puis on a des textes, par exemple, avec une dimension polémique plus ou moins marquée, donc tout ça concourt à une argumentation certes ritualisée, mais aussi avec une diversité de stratégies laissées offertes au scripteur. Alors j'en viens aux différences entre disciplines. Donc comme je vous ai dit, j'ai comparé les pratiques dans deux disciplines seulement, hein, donc ça ne prétend pas couvrir tout ce qui se passe. Deux disciplines de sciences humaines et qui sont assez proches par leur histoire, en particulier la linguistique et les lettres. Alors pour les besoins de la comparaison, en fait, il y a quelque chose d'un petit peu caricatural au niveau méthodologique, c'est que j'ai évité de retenir des articles qui seraient vraiment à la frontière des deux disciplines, alors qu'évidemment, ces questions de frontières entre disciplines sont importantes aussi. Donc je vais parler des différences à trois niveaux, la structure des articles, le traitement des sources, et le lexique qu'on peut appeler transdisciplinaire, parce qu'il est a priori utilisé dans toute discipline de recherche, de science. Du type faire une hypothèse, avoir des objectifs, mener une analyse, etc. Alors, on commence avec la structure des textes. Et il apparaît que dans le corpus que j'ai étudié, un continuum entre deux modèles opposés de textes. Alors, sur la droite du tableau. Donc des textes qui ne comportent pas de titre. Alors évidemment, il y a un titre à l'article, mais ensuite, il n'y a pas de titre pour les différentes sections. Il n'y a pas de numérotation des différentes sections. Et donc, il y a une simple séparation par saut de ligne. De l'autre côté, à gauche du tableau, on a des textes avec des parties, des sous-parties qui présentent des titres, des numéros. Et les titres nous montrent que le texte adopte un format de type qu'on appelle IMRD ou IMRAD, introduction, matériel et méthode, résultat, discussion. Donc ça, c'est les modèles vraiment très standards, stabilisés dans les sciences dures ou expérimentales. Et alors au milieu, voilà, c'est un continuum, donc entre ces deux modèles vraiment marqués, on peut avoir des parties, on va avoir des parties thématiques, qui vont ou non présenter des titres et une numérotation. Et donc, par rapport aux différences disciplinaires, ce qui est intéressant, c'est que les articles de lettres se situent sur la partie droite du continuum, exclusivement. Et les articles de sciences du langage, eux, présentent une grande diversité entre eux et donc peuvent se situer sur l'ensemble du continuum. Alors, autre remarque à propos de la structure des textes, on trouve des figures et des équations sur la partie gauche du continuum, maintenant les articles type format IMRD, IMRAD. Alors comme ici, j'aime bien, ça m'a fait un petit peu rire cet exemple, c'est en sciences du langage, une étude sur l'écrit et l'oral. L'équation écrit égale oral surmarqué, c'est-à-dire écrit égale oral plus effet de spontanéité, plus expressivité, plus subjectivité soit que la formule est égale. Bon. Donc il y a un souhait de formaliser comme ça qui est bon, qui moi me fait sourire, mais voilà. Et donc en termes de modèle de texte, on peut avoir des textes qui vont plus ou moins exploiter la plurisémioticité, c'est-à-dire qu'il y a des textes où c'est vraiment du texte au sens une suite de mots, et puis des textes qui justement présentent ces effets de formalisation, des schémas, etc. Alors je ne sais pas si ça vous arrive dans vos disciplines de lire des articles comme ça, où les auteurs, en voulant finalement guider un peu le lecteur, faire un schéma, produisent quelque chose de complètement parfois... assez difficile à lire finalement. Donc on a des textes qu'on va appeler plus ou moins reader-friendly. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que l'activité de recherche semble se situer, se présente en tout cas comme telle, entre un modèle scientifique, le modèle IMRAD des sciences dures, très calibré, et puis un modèle plutôt savant où le texte scientifique ressemble à quelque chose de l'ordre de l'essai ou de la dissertation. Alors à propos maintenant du traitement des sources, toujours dans cette perspective de comparaison disciplinaire, en sciences du langage, tout est fait dans le texte pour clairement distinguer les sources théoriques et les sources empiriques de la recherche. Donc les sources théoriques, les autres chercheurs qu'on lit, hein, et puis les sources empiriques, typiquement les corpus sur lesquels on travaille, à travers lesquels on analyse le langage. Donc dans tous les articles, il y a des bibliographies, ou dans 99,9% d'articles, il y a une bibliographie qui contient uniquement les références des sources théoriques, quitte à ce qu'une seconde bibliographie contienne, elle, les références des sources empiriques. Par exemple, pour des chercheurs de sciences du langage qui travaillent sur la presse, d'accord, ils ont d'un côté leur bibliographie avec leurs sources théoriques, et puis ils peuvent dire d'où viennent tous les extraits de presse qu'ils ont analysés. Et on a une numérotation des exemples au fil du texte. Donc vraiment, on voit bien, enfin vraiment, visuellement, hein, même, on a cette distinction qui est très nette entre sources théoriques et empiriques. En lettres, on a un mode unique de référencement. Donc on va avoir la même manière de se référer à des sources théoriques ou empiriques. Et souvent, en fait, en notes de bas de page et non pas en bibliographie. Il y avait 10 articles dans mon corpus qui comportaient une bibliographie sur les 110. Hein, donc on est loin des 99,9%... en sciences du langage. Et du coup, en fait, même cette distinction entre sources théoriques et empiriques, en lettres, elle n'est pas aussi évidente. On pourrait se demander si on pourrait pas appliquer une distinction entre sources primaires et secondaires, comme en histoire. Comme dans cet exemple, Montaigne aurait donc pu tout aussi bien évoquer les réflexions philosophiques qu'avait inspiré 100 ans auparavant au Pauge, en route vers le concile de Bâle, la fréquentation des bains de Baden. Donc là, on voit que l'analyse du texte de Montaigne est éclairée par l'analyse d'un autre texte littéraire. Et en termes d'intertexte et d'interprétation, il y a des choses assez intéressantes en lettres, notamment l'usage du discours indirect libre, où l'auteur de l'article scientifique adopte la voix de l'auteur qu'il étudie. Donc comme dans cet exemple, on perçoit incidemment l'audace du propos, le péché originel a cessé d'être ressenti par Montaigne comme une malédiction, c'est au contraire un motif de joie et une occasion de célébrer l'amour de la vie. Et là, l'auteur de l'article adopte la voix de Montaigne, vive la sexualité qui garantit la pérennité de l'espèce. D'accord, il prend le... Vous avez appelé ça, ce procédé ? Le discours indirect libre. Donc ça relève du discours rapporté. Le discours rapporté, c'est typiquement « Pierre a dit deux points, ouvrez les guillemets, Pierre a dit que ». Et quand on n'a aucune marque, comme ici, mais qu'on voit que finalement, c'est pas le chercheur qui est en train de dire « Vive la sexualité », d'accord ? Il est en train d'interpréter le texte de Montaigne et de rendre compte de ce que dit Montaigne avec des mots qui auraient pu être ceux de Montaigne lui-même. Alors enfin, dernier élément de comparaison entre les disciplines, le lexique qu'on appelle transdisciplinaire parce que c'est un lexique qui entre dans la définition de l'activité de recherche, quelle que soit la discipline considérée. Hein, ça peut être vrai aussi bien en biologie, en statistique et que sais-je encore. Donc ce sont des termes du type problématique, hypothèse, méthode. Alors dans ma thèse, j'ai constitué une liste de 120 termes. En me basant sur d'autres listes existantes, sur le critère de transdisciplinarité et également sur le critère de fréquence dans le corpus considéré. Ah mince, mon tableau est vraiment... Ouais, il y a eu un problème de format là. Bon, c'est simplement pour que vous ayez un peu une idée de ces termes, analyse, analyser, approche, caractérisation, catégorisation, classification, commentaire, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas de la terminologie propre à un domaine, il n'y a rien de l'ordre des concepts propres à un domaine. Et pourtant, c'est un lexique essentiel pour écrire un article ou une thèse, puisque vraiment, ça présente l'activité de recherche en tant que telle. Alors la comparaison entre les disciplines de sciences du langage et de lettres montre qu'en sciences du langage, on a une tendance à un usage systématique pour définir la recherche présentée. D'accord ? Donc vraiment, il faut en passer par ces mots de problématique, d'objectif, etc. Dès l'introduction, on les voit vraiment mis en évidence. Alors qu'en lettres, ces termes sont rarement utilisés à propos de la recherche présentée. On les trouve dans des associations lexicales qu'on ne trouve pas dans d'autres disciplines. Par exemple, ainsi se justifie l'hypothèse délirante qui a motivé cet article. Donc ça, on ne le trouvera pas, a priori pas, en biologie ou même en sciences du langage. Et puis, on peut avoir recours à ce lexique à propos du texte étudié. Donc, il est question, par exemple, de l'hypothèse de Montaigne, alors que Montaigne n'est pas un chercheur. Encore que. Alors, en sciences du langage, à travers l'étude de ce lexique, on voit en fait l'importance prise par la valeur de scientificité. Typiquement, dans une introduction... j'ai mis un petit peu le lexique concerné là. Ce sont ces hypothèses implicites qui servent de justification à la création et l'utilisation croissante des pictogrammes. Elles n'ont, à notre connaissance, jamais été soumises à vérification et rien n'indique que leur validité soit aussi évidente qu'il y paraisse. Donc vous voyez, en termes de régime de la preuve, de validité des savoirs présentés dans l'article, comment ce lexique finalement donne l'idée que ce qu'on va faire, voilà, c'est très sérieux, c'est scientifique, c'est de la vérification scientifique, etc. Et même au simple détour d'une assertion, comme dans l'exemple suivant, on voit cette importance de la valeur de scientificité. Son emploi à l'oral amène à supposer, hypothèse à vérifier de manière systématique. Donc il y a une glosse qui est faite sur le terme supposé. En termes de lexique transdisciplinaire, donc supposé, c'est traduit par hypothèse à vérifier de manière systématique. Alors quand je dis importance prise par la valeur de scientificité, attention, c'est évidemment une doxa, mais il peut y avoir aussi du coup la défense d'un contre-modèle de scientificité, une critique des modèles dominants, etc. Alors un bilan sur les différences disciplinaires, donc vous voyez comment à travers les textes on peut en venir à des considérations sur les épistémologies propres aux disciplines. Donc il y a cette notion d'identité disciplinaire qui a été développée notamment par une équipe norvégienne qui a montré, qui a comparé en fait des articles dans différentes disciplines. Donc là c'était vraiment des articles de, je crois qu'il y avait médecine, économie et linguistique, donc vraiment de domaines très différents. Et ils ont comparé aussi dans plusieurs langues, l'anglais, le norvégien, le français. Et ils montrent que les identités disciplinaires l'emportent sur les identités nationales dans l'écriture des articles. Donc à référence à Carter, on voit en quoi les manières d'écrire sont aussi des manières de faire et de penser propres aux disciplines. C'est aussi ce que proposait Béaco en parlant d'une ethno-linguistique de l'écrit. Donc à travers les textes, on en arrive à des considérations plutôt d'ordre ethno sur les pratiques propres à une communauté. Ou encore ce que propose Mathieu Vallette en termes d'épistémologie numérique pour analyser, pareil, à partir des textes, le travail de conceptualisation d'un auteur ou d'un groupe d'auteurs. Alors de nouveau, il y a un problème de format sur ma diapositive, je suis vraiment désolée. En sciences humaines, donc, il semble que la recherche soit prise entre un modèle scientifique et un modèle que je qualifie, je les qualifie comme tel, que j'appelle plutôt scientifique en référence aux sciences dures. Belle précaution oratoire. Et puis un modèle qu'on peut qualifier aussi de plutôt un modèle savant. Mais bien sûr, il y a une grande diversité. Là, j'ai dit qu'il y avait des différences entre lettres et sciences du langage, mais les articles de sciences du langage présentent une diversité telle qu'ils peuvent se situer dans l'ensemble de ces modèles. Alors, j'en viens maintenant à la comparaison entre les articles de doctorants et ceux que j'ai appelés aussi des autres chercheurs, plus expérimentés a priori, docteurs, voilà. Et je vais en fait utiliser les mêmes entrées, la structure des textes, le traitement des sources et le lexique transdisciplinaire. Alors à propos de la structure des textes, je vous ai parlé tout à l'heure de ce continuum qui s'observe entre deux modèles de texte. Ce qu'on voit, c'est que les articles de doctorants en lettres comme en sciences du langage vont avoir tendance à tirer vers le côté gauche du continuum. Alors les titres de parties et les numérotations et la numérotation des parties sont plus fréquentes dans les articles de doctorants. On a des paragraphes plus nombreux. On a des phrases plus courtes et moins d'indices de complexité syntaxique. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que du coup ça rejoint un modèle un peu canonique de l'article qui serait favorable en fait au guidage du lecteur, hein, cette idée de phrases courtes, de paragraphes plus nombreux, etc. En ce qui concerne le renvoi aux sources, donc là, je ne vais pas parler des mêmes aspects que pour la comparaison disciplinaire, mais d'une typologie qu'on a mise en place pour essayer de voir comment on renvoie à des sources dans un article. Alors, on peut utiliser un nom d'auteur, comme dans la formule « la linguistique saussurienne ». Alors, ça marche qu'avec les noms d'auteurs très connus, vous le savez, hein. On peut utiliser, et ça c'est vraiment sans doute le modèle le plus canonique, la référence qui consiste à indiquer le nom d'auteur avec une date, donc on renvoie à un texte, hein, indiqué ou non en bibliographie. On peut se référer à une liste d'auteurs ou de textes. Des fois on voit des parenthèses avec « voir par exemple » et puis là il y a toute une liste. On peut utiliser des noms d'approche. Les structuralistes ont montré que la grammaire transformationnelle a permis de... etc. On peut utiliser des désignations générales, mais qui montrent aussi que quelque chose a été dit ou écrit, qu'il y a du déjà là. Les études sur, les définitions de, d'accord ? Ça suppose qu'il y a des travaux attestés, hein, qui existent sur ces questions. Et enfin, on peut utiliser de manière finalement très allusive des formules au passif ou avec le « il » impersonnel. « Il a été montré que ». Donc là, c'est simplement le mot « montré » qui laisse supposer qu'il y a eu un travail qui peut s'assimiler à un travail de recherche. Mais on ne sait pas où, ni par qui, ni comment. Oh mince, oh là là, décidément. Désolée. Bon, alors là, il y a un graphique qui n'apparaît pas, mais je vais essayer de vous le lire. Donc, à partir de la typologie que je viens de présenter sur les modes de renvoi aux sources, on a comparé dans des articles de sciences du langage, uniquement, ce qu'il en était dans les articles de doctorants et dans ceux des autres chercheurs. Alors, en moyenne, on a moins de références chez les doctorants. En moyenne, il y a 39,5 désignations contre 73 et quelques chez les autres chercheurs. Mais ce qui est intéressant chez les doctorants, c'est qu'on n'a jamais moins de 8 références, alors qu'on peut très bien trouver le texte d'un chercheur plus expérimenté où il n'y aurait aucune référence, voire une ou deux références. En termes maintenant de type de référence, alors ça paraît vraiment surréaliste ce graphique là. En termes de type de référence, donc je vais plutôt me remettre sur la diapositive avec la typologie. En gros, il va y avoir des différences à deux niveaux sur la catégorie des noms d'auteurs, la linguistique saussurienne. Ça, c'est moins utilisé par les doctorants, statistiquement. Hein. Et puis également au niveau des noms d'approche, qui sont moins utilisés par les doctorants, les structuralistes, les grammaires transformationnelles, etc. Ça peut être une timidité. Oui, voilà. Confiance qu'on a, qu'on s'inscrit bien dans la pensée. Oui, tout à fait. Donc effectivement, comment on peut... Ah ben, Oh ben là, voilà la diapositive. Donc, moins de noms d'auteurs, moins de noms d'approche chez les doctorants. Alors, comment on peut l'interpréter, effectivement? D'abord, peut-être avec l'idée d'un usage canonique du genre. C'est ce que me fait dire le nombre de références. Le fait qu'on n'ait jamais moins de 8 références, on sent bien que voilà, le doctorant se dit il faut quand même mettre un peu des références, donc au moins 8. Et puis le fait que les références soient vraiment sous une forme canonique, ce schéma canonique qui tente à s'imposer un peu partout, nom d'auteur et date. Mais on peut se dire aussi qu'il y a quelque chose qui se joue en termes de connaissance du domaine et de légitimité. Utiliser des noms d'auteurs type la linguistique saussurienne, l'approche foucauldienne, etc., ça rejoint un modèle un peu savant. Je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur modèle scientifique et savant. Et donc peut-être que les étudiants ne s'autorisent pas à utiliser ce type de formule. Et pour ce qui concerne les noms d'approche, les structuralistes, la grammaire transformationnelle, clairement aussi il y a une question de légitimité. Il faut se sentir autorisé à décrire comme ça un champ en montrant qu'il y a des grands paradigmes. Vraiment, on se place dans une vue surplombante du champ. On décrit un paysage comme ça d'en haut en disant alors ils ont fait ça, eux ils ont fait ça, ils ont fait ça. Donc il y a à la fois peut-être un problème de connaissance du champ qui fait que quand on commence à découvrir un champ, on n'a pas cette vue surplombante. Hein. Mais il y a aussi une question de légitimité, le fait de s'autoriser à se poser comme ça, comme celui qui voit le champ d'en haut et peut se permettre de le décrire. Alors, dernier élément de comparaison entre doctorants et chercheurs plus expérimentés, les termes caractéristiques des articles de doctorants en sciences du langage sont constatés, études, méthodes, méthodologie, objectifs, observés, résultats, tableaux, tendances. Alors, pareil, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? On peut se dire qu'il y a un souci, sans doute, d'avoir un usage un peu canonique du genre, donc d'utiliser ce lexique caractéristique de l'article de recherche en général. On peut se demander aussi s'il n'y aurait pas une spécificité dans le type d'études menées par les doctorants, hein, les études qu'on demande en doctorat par rapport à d'autres chercheurs, et qui seraient des études qui se caractériseraient par une dimension empirique forte, voire peut-être par un certain positivisme, dans cette idée de tableau, résultat, etc. Alors, un bilan sur les différences en fonction du degré d'expertise du scripteur. Donc d'abord, en termes de littératie avancée, je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut parler d'acquisition, finalement, de nouvelles pratiques de lecture et d'écriture tout au long de sa vie. Donc là, on a un effet d'acculturation progressive au genre, en l'occurrence, à celui de l'article de recherche. On ne peut pas dire que finalement, il y ait des défaillances dans les écrits de ces doctorants, d'accord, puisque ce sont des articles qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture. Donc, ils ont été jugés comme étant parfaitement recevables. Donc, ça veut dire que s'ils ont été jugés comme recevables, ils sont conformes aux normes du genre. Hein, les comités de relecture servent finalement à garantir un peu cette conformité-là. Ce qu'on voit, en revanche, c'est que l'effet du statut de novice, de nouvel entrant dans le champ scientifique, fait que peut-être, en tout cas, les étudiants se conforment à quelque chose d'un peu canonique. Hein, ils mettent des titres, des numéros, ils mènent des études empiriques comme il se doit, etc. Mais en même temps, on peut avoir, attention, deux interprétations des résultats quand on compare ces articles de doctorants avec ceux des autres chercheurs. Soit ce qu'on observe, ce sont des caractéristiques qui vont disparaître, en fait, parce que les pratiques d'écriture vont évoluer avec l'expertise et qu'au fur et à mesure, le doctorant va finalement aboutir à des stratégies d'écriture qui seront celles des chercheurs plus expérimentés avec lesquels on a comparé les textes des doctorants. Mais peut-être aussi qu'on peut voir là le signe d'une évolution du genre de l'article et le fait que les pratiques des doctorants sont des pratiques d'écriture qui sont amenées à se généraliser parce que les choses changent et que, par exemple, le modèle de recherche empirique dont je parlais tout à l'heure va devenir dominant. Donc ça appelle des études en diachronie. Hein. Comme ça, je peux tourner toute ma vie avec ce sujet de recherche dans 10 ans, comparer ce qui est... Alors j'en viens maintenant à la question des propositions didactiques, parce que l'enjeu de ces études, bien sûr il y a un enjeu descriptif, il y a un enjeu d'ordre réflexif, de s'interroger sur nos pratiques de chercheurs à travers les textes qu'on produit. Il y a aussi un enjeu didactique qui est de se dire comment finalement l'écriture ne va pas de soi, et donc comment on peut accompagner les étudiants dans l'écriture, les apprentis chercheurs dans l'écriture, y compris d'ailleurs parfois les chercheurs eux-mêmes. Imaginez si vous devez publier en anglais, c'est bien de savoir comment, quel est le lexique en anglais, etc., quelles sont les routines propres aux articles dans le monde anglo-saxon, par exemple. Alors, si on envisage les choses en termes de difficultés des étudiants, là on a vu des articles de doctorants qui avaient réussi à être publiés, donc finalement on ne va pas parler de difficultés, mais si on envisage les choses en termes de difficultés, par exemple pour ceux qui n'arrivent pas à publier ou pour ceux qui commencent à écrire un mémoire, ce genre de situation, on voit que leurs difficultés sont liées à la maîtrise de la phraséologie propre aux écrits de recherche. Donc la phraséologie, ça désigne les patrons linguistiques un peu caractéristiques qui permettent de construire des phrases, voilà, pour le dire au plus simple. Donc je donne des exemples tirés d'écrits théoriques d'étudiants, de licence et master. Nous avons été stupéfaites de constater. Nous soutenons totalement la pensée de tel auteur. Donc on voit ici qu'en fait la phraséologie est à l'origine d'un effet de maladresse, d'accord ? Être stupéfait, ça ne se dit pas tellement, c'est peut-être trop fort en termes émotionnels pour ce qu'on trouve dans les articles de recherche, ou soutenir la pensée de totalement la pensée d'un auteur, c'est pareil, on va dire plutôt nous adhérons sans réserve à, hein, par exemple. Alors il y a aussi une question de maîtrise du domaine. Est-ce qu'un étudiant qui commence comme ça à découvrir un domaine peut en avoir une vue globale, ou au contraire, est-ce qu'il n'a pas plutôt une vue parcellaire nécessairement? Comment est-ce qu'on peut faire face à la trivialité, au risque de trivialité? Évidemment, si on ne connaît pas tout ce qui a été dit, ce qu'on affirme, ça risque d'être peut-être trivial. Donc quels peuvent être les critères de pertinence? Et puis on voit que les difficultés des étudiants se situent aussi au niveau des représentations qu'ils se font, des attentes. D'accord ? Pour eux, c'est pas très clair ce qu'on leur demande, ce qu'on attend d'eux quand on leur dit qu'il faut produire un travail de recherche. Alors je cite, parce que j'ai mené des entretiens avec des étudiants, donc je cite quelques extraits qui me paraissent emblématiques. On ne dit pas vraiment ce qu'on pense soi, de toute façon on ne peut pas élaborer des théories, on n'est pas professionnel. On nous demande de mettre des phrases à nous qui ne sont pas à nous et aussi de les retravailler, alors que ce qui est dit est tellement mieux dit. Et donc on en vient à se demander si le fait de demander aux étudiants de construire comme ça une posture d'auteur qui est un chercheur, ce ne serait pas une injonction un peu paradoxale, surtout au niveau de la licence et de la maîtrise. Et là je cite un exemple tiré d'un forum de discussion, parce que je me suis intéressée aux questions de copier-coller, de sources, de traitement des sources. Alors voilà ce que nous dit cette étudiante, c'est à propos d'une affaire qu'il y a eu sur Houellebecq, qui avait plagié Wikipédia, voilà. Alors pour ma part, qui ai fait mes études en Angleterre, lors de mes études et de mon mémoire, il était interdit d'utiliser la moindre source sans la citer en référence, sous peine de plagiat et de sanctions bien plus lourdes encore. Et même pire, il était tout simplement interdit de penser par soi-même. Toute idée qu'on pouvait avoir soi-même, si elle était bonne, était nécessairement déjà utilisée par un auteur. Il fallait alors chercher un auteur qui avait pensé à une idée similaire ou ouvrir un bouquin au pif et prendre une citation qui ressemble à l'idée qu'on avait soi-même. Et alors, on ne voit pas la fin, mais j'aime beaucoup. Je pense que Houellebecq ne s'en serait jamais sorti indemne en Angleterre. Donc, elle était un petit peu traumatisée. Alors, ça pose la question de la formation à travers l'écrit. On voit qu'on ne peut pas concevoir les spécificités des textes d'étudiants uniquement en termes de lacunes par rapport à un modèle de référence qui serait le modèle expert. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de convenir de la situation propre, spécifique, dans laquelle se trouvent les étudiants. Donc ça n'a pas tellement de sens de comparer et de dire il faut qu'ils adoptent un modèle expert, alors que non, ils ne vont pas écrire comme un chercheur qui a 40 ans de carrière derrière lui, puis qui se permet certaines choses parce qu'il est très connu, parce que bon. Et puis on reproduirait aussi, on figerait des pratiques pour les reproduire, ce qui n'est pas tout à fait... Ce qui n'est pas non plus souhaitable, voilà. Et donc toute la question, c'est très juste ce que vous dites, toute la question c'est comment former à la recherche et par la recherche. L'enjeu c'est quand même un enjeu de formation, c'est pas uniquement de réussir à publier un article et puis voilà. Notamment parce qu'on ne forme pas uniquement des chercheurs, on forme aussi des gens qui vont passer par l'université, faire un travail de recherche. Vous savez que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont un niveau de master, Donc ils sont vraiment formés à la recherche par la recherche, mais pour intervenir dans des milieux professionnels très très variés, qui ne se limitent pas au monde académique. Et donc, une des questions qui se pose, c'est quel modèle décrit, donc c'est à nouveau à la fin de ma diapo, quel modèle décrit réflexif on peut favoriser à l'université ? Quel modèle de knowledge transforming, donc là je reprends ça à Breuter et Skardamalia qui disent qu'il y a des écrits de restitution des savoirs et puis des écrits dans lesquels on construit des savoirs. Donc c'est bien le propre d'un écrit de recherche, d'être un écrit dans lequel on s'approprie et on construit de nouveaux savoirs. Et quel modèle finalement de pensée critique à travers ces écrits ? Alors il y a par exemple des choses qui sont faites actuellement sur le fait d'utiliser la fiction comme une manière de produire des savoirs scientifiques. Peu en fait, c'est... Je peux dire peut-être deux choses. C'est utilisé dans le cadre justement de la formation à l'écrit universitaire comme des dispositifs un peu innovants. Donc plutôt que de demander aux étudiants de produire des textes théoriques sur, alors je sais pas, par exemple l'acquisition du langage, on va leur demander de lire tout un tas de, un ensemble de, voilà, de textes qu'on leur aura éventuellement d'ailleurs conseillés. Et puis de restituer ça, d'accord, d'en faire par exemple une synthèse. Là on se dit que finalement, pour les aider à entrer dans cette pensée scientifique, dans cette pensée critique propre à l'écrit de recherche, on va leur faire plutôt écrire des choses sur l'acquisition du langage, à partir toujours de textes qu'ils auront lus, mais sous la forme d'une fiction. D'accord ? Où ils doivent à la fois, du coup, inventer, voilà, on est vraiment dans l'univers de la fiction, et puis en même temps, intégrer des éléments qui seraient vrais, si vous voulez, qui auraient été validés par la communauté scientifique sur comment ça se passe, l'acquisition du langage chez l'enfant. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que ça renvoie un petit peu à l'anthropologie, qui s'est beaucoup questionnée sur ses pratiques d'écriture, pas que d'écriture d'ailleurs, sur le documentaire aussi par exemple, et sur ses frontières entre la fiction, ou en quoi la fiction peut finalement dire le vrai. Voilà. Donc ça, il y a beaucoup d'anthropologues qui... Enfin, c'est un des domaines qui justement a fait preuve de réflexivité sur ses pratiques d'écriture, alors qu'il y a tout un tas de domaines dans lesquels c'est plutôt l'écriture point aveugle de l'épistémologie, pour envoyer au titre de Schmoll. Les anthropologues, je crois qu'il y a un numéro de revue qui porte sur l'écriture de l'anthropologie. Ouais. Je pourrais l'ajouter peut-être. Communication, qui a été dirigée par Martin de la Soulière, oui, et Martin Perron. Oui, tout à fait. Alors moi je me situe dans une perspective vraiment didactique où on essaye de produire, proposer des aides à la rédaction pour les étudiants et apprentis chercheurs. Et donc notre idée c'est vraiment l'importance des descriptions linguistiques pour rendre compte des normes en usage plutôt que de normes supposées ou déclarées. Et de rendre compte aussi de la diversité des normes pour montrer qu'il y a un ensemble de stratégies et qu'il ne s'agit pas uniquement de se conformer à tel ou tel modèle. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà de certaines idées, d'ailleurs, qu'on peut se faire. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'il ne faut absolument jamais utiliser le jeu. Hein, le jeu est à bannir. Il y en a qui disent même qu'il ne faut absolument pas utiliser le « nous ». Bon, alors on peut se demander d'où est-ce qu'ils disent cela, quoi. Qu'est-ce qui les autorise à dire ça, alors que dans les faits, ben, il y a une diversité de stratégies possibles. Donc c'est vrai que dans le discours didactique, dans l'accompagnement à l'écriture, si on regarde les manuels de méthodo type « Comment réussir sa thèse en 3 nuits », on a des choses parfois un petit peu limites, qui sont vraiment de l'ordre de la prescription, mais qui ne sont pas assez fines en termes de description pour que ça aide réellement à mieux écrire. Hein, par exemple, dire qu'il faut défendre un point de vue mais ne pas être trop présent, qu'il faut citer ses sources mais ne pas trop citer... Finalement, c'est source de confusion plus qu'une aide véritable. Et donc après, concrètement avec les étudiants, nos modalités de travail, c'est de privilégier l'observation des textes et susciter comme ça des prises de conscience sur les stratégies d'écriture. Donc vous, c'est un peu ce que je vous conseille, c'est que vous êtes forcément lecteur des articles ou des ouvrages de votre discipline. Et du coup, c'est de devenir des lecteurs très conscients, attentifs, pas seulement aux pensées profondes des auteurs, mais aussi vraiment à la matérialité des textes, à la manière dont les choses sont dites, sont écrites. Et cette conscience-là peut servir à vous... Enfin, en tout cas par hypothèse, hein, on pense qu'elle peut être un levier pour le scripteur. Alors je vais finir simplement en citant deux exemples, mais très très rapidement. Un sur le projet Scientex, qui est un projet qui a été développé à Grenoble, et c'est un site que vous pouvez consulter en ligne. Et puis un autre exemple de développement sur les introductions d'articles de recherche, qui peut faire l'objet d'une intervention dans un séminaire doctoral, mais alors plutôt côté vraiment méthodo, quoi, plus que réflexivité finalement. Alors l'exemple 1, Scientexte, donc c'est un corpus d'écrits scientifiques de différents genres et de différentes disciplines qui est mis à disposition et qui peut servir à mener des analyses linguistiques de ces textes, de la rhétorique scientifique, mais qui peut aussi servir d'aide à la rédaction, d'outils d'aide à la rédaction, ou en tout cas de base pour la construction de cours, donc soit en auto-formation, soit pour construire des cours d'aide à la rédaction pour les apprentis chercheurs. Donc je vous montre comment ça se présente. Voilà, c'est une sorte de site web, hein, simplement. Vous choisissez, vous commencez par sélectionner le corpus sur lequel vous voulez vous pencher. Donc quelle discipline, d'accord, il y a sciences humaines, expérimentales, appliquées. Quel genre, il y a des articles, des communications, des thèses, des HDR, des mémoires. Quelle partie, éventuellement, vous pouvez étudier la partie des remerciements. C'est pas inintéressant. Et puis, donc, vous avez sélectionné votre corpus. Ensuite, vous pouvez faire des requêtes sur ce corpus. Donc, vous allez, par exemple, chercher comment on formule le terme d'hypothèse. Alors, je vais tout de suite donner des exemples, justement, de ce qu'on peut en faire en termes d'aide à la rédaction. Donc sur la phraséologie spécifique au discours scientifique, comment est-ce que on parle de son hypothèse? Un petit peu comme prendre une douche, est-ce qu'on prend une douche ou on fait une douche selon la langue dans laquelle on écrit? Bon ben là c'est pareil, il y a un certain nombre de patrons linguistiques privilégiés quand il s'agit d'émettre ou de formuler, de faire une hypothèse ou de s'autoriser à telle ou telle hypothèse. Alors, on ne dira pas dire une hypothèse. Donc sur cette base-là, il y a des exercices de repérage et de manipulation des collocations, donc c'est ces associations lexicales privilégiées qui sont proposées. Un autre exemple maintenant sur les introductions d'articles. Donc là, c'est pour aller... C'est un encouragement à écrire dans les canons. Oui, voilà, effectivement, il y a cette dimension normative qui existe quand même, c'est-à-dire un petit peu comme prendre une douche. Bon, ben, il y a un lexique hein, dans une langue et quand... Et quand on acquiert cette langue-là, on acquiert également ce lexique spécifique. Non, il y a aussi de l'anglais dans le corpus. Bientôt le chinois, peut-être. Non, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est français-anglais. Alors, sur les introductions, c'est pour montrer aussi que... Bon, là, c'est vraiment sur des routines limitées en termes d'associations lexicales. Et comment on peut faire quelque chose à une échelle un peu plus textuelle? Donc, je pars d'un exemple. Voilà ce à quoi on voulait sensibiliser les étudiants dans l'écriture. C'est lié à la question des sources que j'ai traitée plusieurs fois dans l'exposé. Alors vous voyez dans cet extrait d'introduction, plusieurs études récentes sur les écrits scientifiques, par exemple, hein, ont montré de façon convaincante que ce type d'écrit n'était pas le genre neutre et objectif que l'on avait souvent décrit. Donc on voit ici en violet comment sont évoquées les sources, sous la forme nom d'auteur avec une date, et puis avec des sources plus allusives, plusieurs études récentes, le genre neutre et objectif que l'on avait souvent décrit. Et d'autre part, en association avec ces sources, on voit un lexique spécifique, des études récentes ont montré de façon convaincante que l'on avait souvent décrit. Donc là, on a ce lexique propre, enfin épistémique, propre au texte de recherche, lexique transdisciplinaire. Et il y a une valeur épistémique, du coup, des textes et des idées qui sont évoquées. Hein, on parle de plusieurs études récentes ont montré que. Dans montrer, il y a l'idée d'une validation du savoir scientifique. Alors, on a utilisé la typologie que je vous ai présentée tout à l'heure, et notre but, c'était mettre en évidence, dans une introduction, comment se fait le renvoi aux sources, comment intervient cette dimension épistémique dont je viens de parler, hein, sur le fait que montrer quelque chose, c'est pas simplement en parler, et comment ça se joue à l'échelle d'une introduction en fonction du modèle de l'introduction. J'espère que c'est assez clair. Donc un exemple ici, on ne va pas avoir le temps de lire tous les textes. Mais on a mis en confrontation, d'un côté, le modèle de l'introduction. Donc c'est une introduction qui porte sur les pictogrammes que j'ai déjà cités dans l'étude, qui fait le constat d'une absence d'étude, qui fait le constat du fait que... sur le point suivant, le fait que les pictogrammes font l'objet d'idées de sens commun ou de fausses idées. Et donc l'objectif, c'est de dire il faut étudier les pictogrammes de plus près, donc combler cette lacune dans les travaux existants. Et si on met ça en regard des types de références utilisées, vous voyez, c'est ce que j'ai mis en gras et en couleur, on a des désignations générales, études, travaux existants, hypothèses implicites, et on a l'utilisation du passif et du « il ». Impersonnel, il est admis que cette hypothèse n'a jamais été soumise à vérification. Alors voilà, on a fait ça sur plusieurs introductions pour chaque fois mettre en parallèle le modèle d'introduction avec ses patrons linguistiques un peu plus locaux. Donc vous voyez, c'est une échelle un peu globale du modèle d'introduction, un modèle rhétorique avec les patrons linguistiques mis en perspective. Voilà, je m'arrête sur ça, c'était simplement... pour vous montrer un petit peu le type de démarche qu'on utilise. Donc, on part de la description linguistique et on propose l'observation de corpus comme outil didactique, avec l'idée donc qu'on peut favoriser des prises de conscience sur les caractéristiques des genres de texte et que ces prises de conscience sont utiles au lecteur comme au scripteur, donc pour la lecture comme pour l'écriture. Et au-delà de ça, ces travaux de description et d'observation de corpus invite à une certaine réflexivité dans l'activité de recherche, puisque les chercheurs eux-mêmes, je vous l'ai dit, quand on entend dire « il ne faut pas dire je » ou « il ne faut pas dire nous », enfin, on peut penser hein, que les chercheurs eux-mêmes ne sont pas toujours conscients de leur routine d'écriture, ni de la réalité des pratiques d'écriture propres à leur champ. Il y a beaucoup parfois d'idées préconçues chez les chercheurs aussi. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention. Merci. Bien, bah, merci pour cette présentation assez précise et dense. On voit que les outils de la linguistique sont vraiment utiles pour aborder ce genre de questions. Et c'est vrai que nous, ça fait 5 ans qu'on réfléchit beaucoup à ces questions-là et on n'a pas cet outillage-là en fait pour y réfléchir. Non pas qu'on n'ait pas une réflexion qui soit légitime, hein, mais c'est vraiment un autre angle d'approche, notamment sur la systématisation des corpus, etc. Moi j'ai l'impression que dans les ateliers d'écriture qui s'organisent en sciences humaines en général, hein, bon là on a vu que par exemple il n'y a pas de sociaux, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'anthropologie dans le paquet sciences humaines, alors que c'est quand même 3 disciplines archi-dominantes. Ouais. Et donc du coup, est-ce que ça manque pas un peu? Alors, parce que les linguistes s'occupent des linguistes avant de s'occuper des autres, comme les sociologues s'occupent des sociologues, hein, c'est, y a cette tendance-là, j'ai envie de dire malheureusement. Mais j'ai aussi l'impression que... Mais il y a toujours une question de feeling, en fait. Et qu'au-delà des normes et au-delà de l'analyse un petit peu systématique et un petit peu précise, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est pas du tout une critique, il y a aussi une question de feeling et de sonorité du texte et de l'écriture. Et je pense que pour revenir au numéro de communication dont on parlait, qui aborde entre autres cette idée que y aurait une rivalité entre la scientificité de certaines disciplines et la littéralité, je ne sais pas comment on pourrait dire, d'autres, qui a été longtemps une querelle, hein, entre l'histoire, la littérature, l'anthropologie de la littérature, le recours à la fiction, ça, y a, comme vous l'avez dit, des pages et des pages consacrées à ces débats-là. Mais peut-être qu'on a dépassé ça, ou peut-être qu'on devrait, quand je dis on, je pourrais dire je ou nous, dépasser en fait ce stade de la contrainte liée à l'énoncé lui-même, en fait, la contrainte de la preuve, notamment. Voilà. Donc je pense que quand on fait des ateliers d'écriture, on en a organisé ici, enfin voilà, il y a cette question de feeling, de transmission d'expérience auprès de chercheurs qui publient, qui ont l'habitude en fait, donc qui ont des logiques et des routines. Alors par définition, la routine est quelque chose auquel on ne fait pas attention. Hein. Mmh. Si on se mettait à faire attention à nos routines, la vie ne serait pas très gaie en fait. Hein. On aurait pris la tête, oui. Mais j'ai l'impression que voilà. Donc c'est une très bonne approche, je trouve très complémentaire en fait, et en tout cas pour moi assez originale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur ces questions-là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'on peut déjà ouvrir un petit peu la fenêtre? Je vois qu'il y en a qui piquent du nez. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision par rapport à ce que vient de dire? Oui. Salarié universitaire. Et là, je commence à écrire. Et je suis un peu embêtée parce que donc, là, vous avez dit pour l'article de recherche, donc avec un public qui semble homogène, dont vous n'avez pas parlé. Alors que là, moi, dans ma recherche, je suis tiraillée entre deux publics. Un public opérationnel qui commence à accepter de lire plus de 10 pages sans images. Et un public universitaire qui, si je mets des mots de moins de 3 syllabes, me dit « Non, mais ça, c'est pas universitaire. » Et donc, du coup, effectivement, on a à la fois la difficulté de l'écriture, telle que vous l'avez bien montré, et à la fois la difficulté, et à mon avis qui ne se pose pas que aux chiffres, c'est-à-dire si on veut faire une recherche qui soit un peu diffusée, il faut qu'elle soit lisible, par des gens qui n'ont pas l'habitude de lire des articles de recherche. Et est-ce que ça, vous avez aussi des choses là-dessus, y compris pour vos étudiants probablement, comment faire qu'un article de recherche soit lu par des non-lecteurs experts? Est-ce que vous avez ça? Alors bon, moi j'ai pas travaillé directement sur ça, par contre... pour ça aussi que j'ai pas étudié toutes les disciplines, mais ça renvoie à ce que Daniel Jacobi a traité en s'intéressant à la vulgarisation scientifique. Alors quand on pense vulgarisation, on pense au musée, à la Villette, ou ce genre de choses. En fait, pas seulement, parce que c'est vraiment tout ce processus. Vous le dites très bien en disant qu'est-ce qui fait qu'un article de chercheur va être accessible ou non à un étudiant. Donc c'est toute la diffusion du savoir scientifique dans la société, par les médias, donc c'est ce qu'on traitait traditionnellement en termes de vulgarisation, mais aussi en fait, notamment par l'université, par le travail des étudiants. Et par les nouvelles relations entre recherche et société, notamment l'exemple de la thèse CIFRE est vraiment emblématique. Et donc lui, il dit qu'il y a un continuum, évidemment, il n'y a pas d'un côté des chercheurs. D'ailleurs, c'est très critiqué l'idée qu'on aurait affaire à une communauté fermée de chercheurs qui communiquent entre eux. En fait, c'est complètement infondé. À l'heure actuelle, on est sur des domaines où il y a un nombre extrêmement grand de publications. Personne ne peut prétendre avoir lu tout ce qui a été fait sur son domaine. Donc ne serait-ce que ça, cette idée que les chercheurs communiqueraient en vase clos, c'est complètement, à mon avis, un peu une image d'Épinal un peu dépassée, quoi. Et du coup, lui, il parle d'un continuum, voilà, entre la recherche qui s'écrit pour les chercheurs, où on aurait une communauté de lecteurs qui serait celle, enfin ceux qui écrivent des articles sont ceux qui lisent les articles, et inversement. Et puis après toute cette question, des vastes débats de la place de la recherche, en fait, le statut des savoirs scientifiques dans la société. Ouais. Donc là, j'ai pas de réponse parce que j'imagine que c'est des modèles à inventer, voilà. La différence entre les écrits des doctorants et les écrits des docteurs, et des interprétations différentes qu'on peut associer à cette observation. Parce que moi, je viens du monde scientifique dur, ouais. Je suis ingénieur de formation, et c'est vrai qu'en entrant dans le monde des sciences sociales, j'ai été étonnée par cette forme de flux, cette forme de créativité qu'il y avait dans l'éditrage, la segmentation des textes, etc. Donc, cette migration dont vous parlez, apparente en tout cas, cette hypothèse de migration apparente du format des textes vers plus de scientificité dure, on va dire, est-ce que ça pourrait pas aussi être le reflet des comités de lecture, des comités de sélection qui voudraient gagner en légitimité ou en réputation, ou en ça, je ne sais pas. Mais ça pourrait être aussi une troisième explication à cette différence. Oui, alors effectivement, quand je parle du fait que je m'intéresse à des genres de textes, il y a cette approche par les genres qui fait que les comités de lecture, les normes éditoriales d'une revue, etc., sont un facteur important de codification du genre. Donc qu'est-ce qui est laissé ouvert, qu'est-ce qui est rendu possible, qu'est-ce qui est standardisé, etc. On peut penser qu'il y a une influence de modèles disciplinaires, qu'il y a une influence de modèles de certaines cultures nationales qui sont dominantes, donc plutôt des questions de politique, en fait, des publications scientifiques, quoi, de politique éditoriale. Il y a des vocabulaires liés aux approches disciplinaires aussi. Hein. Oui. Quand vous dites domination, je sais pas, affranchissement, politique de résistance, c'est pas le même vocabulaire que d'autres, en fait. Et ça joue aussi énormément beaucoup, en fait, parce que l'hypothèse va pas se développer de la même manière selon qu'on montre que on rencontre une situation de stratégie d'acteur ou on rencontre d'un rapport dominant-dominé ou d'un rapport intérieur-extérieur, en fait. Sachant qu'on réfléchit nous-mêmes comme ça, c'est difficile aussi de faire un pas de côté pour se dire est-ce que le vocabulaire que j'emploie pour décrire les types d'articles n'est pas finalement un petit peu celui... n'est pas aussi canonique, en fait. Moi, je me suis posé cette question aussi en vous écoutant. La question, par exemple, des comités de lecture, comment les gens qui diffusent l'information et qui, donc, quelquefois la censurent, quelquefois l'encouragent, conditionne la manière qu'on a de s'exprimer. Est-ce qu'un article est refusé pour parler concrètement parce que sur le fond, il a des arguments qui ne sont pas plausibles, en tout cas pas convaincants, on va dire ça. Ou est-ce que sur la forme, il y a une question de style et ça ne colle pas au style de la revue. Donc il est difficile, en tout cas moi j'ai jamais vu un article revenir en disant écoutez, votre travail, c'est de la merde. Par contre, la manière dont vous le dites, ça ne va pas. Donc on n'attaque jamais les gens sur ce qu'ils ont vraiment fait, en fait. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Votre enquête a été mal faite, vos résultats sont faux. » Mais par contre, toujours, c'est pas assez creusé. Ouais, ouais. Donc il y a aussi une rhétorique de la négociation. Et là, j'ai l'impression que ça ne rend pas vraiment compte de ce processus de co-construction de l'article comme étant un aller-retour entre quelqu'un qui écrit, sachant qu'il est dans un contexte, donc il se fait des représentations, il va prendre des mots compliqués ou des mots simples, des images ou pas d'images, des chiffres ou pas de chiffres. Ok. Quand il envoie son article à la revue, à l'éditeur, peu importe, ce qu'il sait de la revue, ce qu'il pense que la revue va dire, ce qu'elle dit vraiment, et ce que lui va modifier en fonction de ça. Parce que les revues ont des styles, hein, même dans des sociologies relativement proches. Je sais pas, vous prenez un article de la Nouvelle Revue de Sociologie, par exemple, ou un article de, de Terrain, ou de Genèse, ou d'autres revues, ben, ça n'a rien à voir, en fait. Ça sonne, il y a vraiment une sonorité différente. Et ça, je pense que c'est... faudrait trouver un moyen de rendre compte aussi de ce dialogue entre ceux qui diffusent et ceux qui produisent, en fait. Oui. Mon idée, en fait, c'est de dire que pas considérer l'article comme un résultat qui tombe comme ça, mais plutôt comme le résultat d'un processus, dans le processus en fait. Lui-même, voilà, et déjà, quand on réfléchit à quelle revue EIS on projette d'envoyer l'article, déjà, on va regarder encore plus de cette revue-là, comment ils s'expriment, comment sont structurés les articles, etc. Donc il y a aussi, c'est vrai, un formatage par les habitudes de la... Mais il y a la question des attentes qui était... Puis des représentations. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis la revue. Enfin, ça, c'est... On projette toujours des représentations. Donc je pense qu'il y a quand même... je ne sais pas comment l'exprimer, mais... une influence... forte, au-delà des consignes de rédaction, du style les auteurs entre parenthèses ou les auteurs en note de page, ça on s'en fout, c'est de la forme. Mais au niveau vraiment du ton, de la tonalité des articles. Oui, et de fait ça reste implicite puisque c'est pas a priori pas rendu explicite dans les consignes de rédaction. Ah non, le but c'est de pas le rendre explicite. Mais vous n'avez étudié que des textes déjà publiés. Oui. Donc en fait. Oui, forcément, il y a. Ce processus-là, on ne voit pas. Voilà, évidemment, voilà. pourrait y avoir des études plutôt sur le processus et cette dimension de co-construction, effectivement, avec le reviewer. Bon, il y a même des choses compliquées parce que là, on fait comme si c'était une personne qui avait à écrire un article, mais il y a aussi des travaux d'équipe, il y a des choses. Et alors, à propos de l'évaluation, on avait regardé des évaluations de propositions de communication pour un colloque jeune chercheur. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des fois un désaccord total. Il y a ceux qui rejettent la proposition, puis ceux qui l'acceptent. Bon, ça représentait quand même 10% des propositions qui faisaient l'objet d'une évaluation complètement diamétralement opposée. Et puis, il y a une rhétorique de l'évaluation elle-même qui nous interroge, effectivement, qui est de toujours dire que c'est intéressant, cette recherche est intéressante, mais voilà. Donc, effectivement, on dira pas, enfin, il vaut mieux éviter que ce travail ne vaut rien. Oui ? Comment sur ce sujet, je trouve que je suis en train de mettre en place une publication pour les actes d'une revue étudiante sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, une discipline passionnée. Et là, on en est au point où on a les articles, il va falloir qu'on les relise pour la forme le comité scientifique du passé. Et on a des articles, donc on en a une petite dizaine, dans des styles complètement différents, avec des niveaux de maîtrise et des sujets et de la langue différents. Parce qu'on a deux étudiants en master, on a quelques étudiants, surtout des thésards, et une étudiante qui a soutenu sa thèse l'année dernière. Et justement, ces questions de qui relèvent du style personnel et qu'est-ce qui passe pas, c'est extrêmement compliqué à définir et à guider. Et en plus, ça change effectivement beaucoup d'une discipline à l'autre. Oui, et donc est-ce qu'il est souhaitable de vouloir à tout prix homogénéiser ça pour une sorte de lecteur supposé idéal? Surtout que là, c'est une diffusion en ligne, mais donc on espère que ça ne peut être que par des universitaires. En plus, dans le comité d'édition, il y a aussi des jeunes chercheurs, donc on maîtrise plus ou moins le code aussi. C'est très intéressant, mais ça montre bien toute la complexité. Je pense que ça souligne aussi une question qui n'a pas été abordée là, mais probablement parce que ma thèse date de 2006, qui est la revue papier ou la revue Internet. C'est-à-dire quand on est sur Internet, on va probablement tomber sur un article sans le chercher ou parce qu'on cherche un auteur. Et donc on n'aura pas cette idée de corpus. Alors que quand on a une revue, eh ben, on feuillette, on regarde l'article qu'on veut, mais on feuillette les autres. Et du coup, on a plus une image d'un ensemble de textes. J'ai l'impression qu'il y a pas mal, il doit y avoir des différences en tout cas entre la façon d'écrire pour être publié sur Internet et la façon d'écrire pour être publié dans une revue où on fait partie d'un ensemble, d'un dossier. Oui, et ça dépend aussi des revues parce qu'il y a des revues qui proposent des numéros thématiques et des revues qui sont sur le principe du varia. Les deux, des fois. Des fois les deux, ouais. Oui, et puis il y a des revues électroniques sans numéro, avec ce qu'ils appellent des livraisons, c'est-à-dire, je crois que c'est sociologie qui fonctionne comme ça. Donc tous les. Quand ils ont ce qu'ils estiment être une quantité suffisante d'articles, 4, 5, 12, 50, ils font une livraison. Voilà, le truc est là. Et les articles viennent se classer dans des catégories. Si vous allez sur le site internet, vous verrez. Et ce truc est cumulatif en fait. Donc on peut écrire un article, bon, je sais pas, une théorie de l'action, pas. Puis ça vient, puis ça s'accumule comme des entrées thématiques d'une encyclopédie au fur et à mesure. Et puis il y a des numéros, il y a des revues en ligne qui font des numéros, comme Ethnographique par exemple, qui des fois sont des numéros thématiques et des fois des numéros variables. Parce que le comité a envie, parce qu'il n'y a personne, parce que l'appel n'a pas marché, parce que ils ont plein d'articles variables et puis ils en ont trop parce qu'ils n'ont que la place pour deux articles. Dans la rubrique Varia, et en fait, ils en ont 50. Donc, il y a aussi cette dimension pragmatique du travail de l'éditeur en fonction de ce qu'il y a dans sa chaîne de production ou pas. Et du coup, ça change beaucoup de la manière d'aborder la publication. Mais par rapport à ça, moi, je pense. Enfin, il nous faut une grille d'évaluation, j'ai envie de dire. C'est ce que je suis en train de me rendre compte, mais pour l'établir, en plus, là, c'est nos 10 premiers articles. n'est pas au bout de ce qu'on va pouvoir trouver. Je cherche justement des critères pour définir. Est-ce qu'il faut définir une politique éditoriale, précise ou pas, parce qu'en plus, c'est une publication d'étudiants. Donc, moi, je suis au début du projet, mais le but, c'est de passer le relais, que ce soit des équipes qui tournent. Mais du coup, ça remet un petit peu en question, vous voulez dire, la validation qui a été faite par le comité scientifique aussi. On a eu le cas d'un article qui a été validé par le comité scientifique et pour le coup, rien n'allait ni le fond ni la forme. Donc c'est bien parce que dès le début, ça pose des problèmes d'établir des critères déjà de validation des articles. Vous ne pouvez pas tout publier. Non. On est d'accord. Oui. Donc à partir du moment où il faut faire un choix, sur quel choix on fait ? Ouais, c'est ça. Et en plus, quelle est la spécificité d'un article que je ne cherche pas ? Parce qu'évidemment, on n'a pas attendre de la même chose d'un doctorant, d'un chercheur qui confirme, mais le problème c'est que cet article-là, il va être sur Internet encore dans 20 ans normalement. Donc quelqu'un qui veut faire carrière, et qui, pas carrière d'ailleurs, mais qui se retrouve avec un article qui va être publié quand je suis en master 2 ou en début de où il est en train d'acquérir les bases, mais il ne maîtrisait pas encore son sujet, c'est pas forcément lui rendre service. Ouais. De le laisser publier. Mais ça, c'est une question débattue, hein, parce que, effectivement, donc je l'ai dit dès le départ, là, la thèse ne suffit pas, il faut publier, donc il y a cette exigence très pressante. Et en même temps, voilà, faut-il à tout prix vouloir la satisfaire, alors qu'effectivement, il y a certaines personnes qui disent que il vaudrait mieux attendre un peu avant de publier, pas publier trop vite, pas publier un travail de master qui est un travail d'étude en fait, voilà. Et en même temps, c'est en écrivant des articles qu'on apprend à lire. L'idée de ce projet, c'était aussi d'aider les étudiants à apprendre à écrire un article scientifique, parce que pour moi, on n'a jamais appris à le faire. Personne n'a pu le faire. Vous retrouvez un peu les problèmes. Mais moi, juste pour ça, je ne sais pas si c'est une. C'est très personnel ce que je vais dire. Je ne suis pas sûr que créer des supports d'auto-publication quand on est doctorant ou masterant est une très bonne stratégie. Bah là, on a monté un comité scientifique justement pour ne pas faire quelque chose en chercheur. Ouais, mais moi je pense qu'on a plutôt intérêt à mélanger les niveaux d'expérience, soit à se greffer sur un projet existant, et ça existe, il y a des doctorants dans des comités de rédaction de revues de rang A, ou à créer des initiatives du style journée doctorale, etc., dans lesquelles vont être mélangés les niveaux d'expérience, en respectant ces niveaux d'expérience en fait. C'est-à-dire que la problématique souvent des journées doctorales, c'est que, par exemple, on invite des chercheurs, on dit « Ah, c'est ouvert à tout le monde ». Ok, bon, c'est des doctorants qu'organisent. Et puis on n'a que des doctorants, parce que les chercheurs ne font pas le déplacement pour aller voir une journée de doctorant, parce que, voilà, ils ont mieux à faire sans doute, j'en sais rien. Mais ils ne viennent pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de faire comme les grands, et puis finalement, on n'y arrive pas parce qu'on se positionne nous-mêmes comme des petits. Donc je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est, ça n'engage que moi, mais plutôt tenter de mélanger les niveaux d'expérience. Par exemple, si on fait une journée doctorale, ce qui est très bien, très bonne initiative, toujours en tout cas soutenue ici dans cette institution, de mon expérience en tout cas, ce serait de dire, on prend des doctorants pour parler, et on prend des chercheurs plus expérimentés, mais pas forcément beaucoup plus expérimentés, des jeunes chercheurs aussi, pour faire les discutants. Comme ça, ils ont une vraie valorisation, on peut jouer sur la fibre pédagogique des enseignants ou des chercheurs, vous voyez, pour mélanger un petit peu. Et ça peut fonctionner aussi comme ça dans des revues. Prenez la revue Interrogation, par exemple, est mixte, par exemple. Elle est composée, le comité de rédaction est composé de, c'est une université, donc deux professeurs, et de maîtres de conférences, et de jeunes chercheurs, doctorants, post-doctorants, etc. Donc on a plus intérêt, je pense, à apprendre en mélangeant les niveaux d'expérience, plutôt qu'à dire « oula, c'est difficile, je vais plutôt jouer dans le bac à sable », plutôt que d'aller vraiment faire l'exercice à balles réelles, j'ai envie de dire. Parce que finalement, ça nous apprend rien. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on apprend entre nous d'un métier qu'on connaît pas, puisqu'on est en train de l'apprendre? C'est bizarre. Enfin, je sais pas. Je vous livre cette réflexion. Moi, j'ai assisté à des colloques où les meilleurs coms, c'était celles des doctorants. Hein. Ah ouais, non, mais parce ça, c'est... Parce qu'il y avait un vrai travail solide, c'est clair. Ils tenaient dans les 20 minutes, du coup, ils étaient très sérieux. Ça, c'est clair. En plus, ouais, voilà, pourquoi présager que forcément, on sait pas faire... Donc, ouais. Oui. Là-bas, il y avait une question tout au fond. J'ai deux questions. D'abord, une pratique en pratique au niveau du PowerPoint. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait le récupérer? Oui, c'est ce que j'ai proposé. Je vous l'enverrai. Et puis, je ne sais pas s'il sera mis en ligne sur le... Voilà. Je vais résoudre les problèmes de format. Et la deuxième question portait justement sur tout début que vous avez dit qu'on pouvait mettre sur HAL, les articles. Ouais. Il n'y avait pas de problème, je ne mettais pas la maquette de revenus et un fichier web de PDF. Il ne faut pas être un article, mais l'accès à cet article dans la revue de PDF. Oui, mais sur HAL, c'est des archives ouvertes. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème si on met notre article sur archives ouvertes, alors que normalement, les gens devraient payer un accès à la revue et que du coup, sur Cairn, ils n'ont plus besoin d'aller sur Cairn pour l'avoir. Ils peuvent... Mais ce n'est pas votre article, c'est une version auteur. Il faut vraiment il faut mentionner. C'est vous qui l'avez écrit l'article. J'ai pas l'autorisation de demander, rien du tout. Mais c'est vous qui l'avez écrit l'article. Bon, le droit d'auteur est inaliénable en France. Voilà, ce qui est aliénable, c'est le droit de diffusion. Donc quand vous écrivez dans une revue, vous cédez le droit de diffusion à la revue. Comme vous n'êtes pas propriétaire du droit de diffusion, vous n'avez pas le droit de le diffuser. D'accord? Mais c'est vous qui l'avez écrit. Donc votre article. Le papier que vous avez écrit, il est sous forme d'article chez une revue et sous une version qu'on appelle auteur chez vous. Et c'est cette version auteur que vous mettez. Mais ça correspond à la diffusion juridiquement, ça? C'est votre travail. C'est une version auteur, mais attention, c'est une version auteur. Il faut l'indiquer. Ce n'est pas le PDF de la revue. Bah, de toute manière, ça passera pas sur Alain. Ils sont très attentifs à ça, donc ils vous diront attention, vous avez envoyé le PDF de votre publication, élément sous droit d'auteur, blablabla, etc. Enfin, sous droit de diffusion. Bah oui, c'est votre travail. Donc, on peut pas. Qu'on change la forme. Oui, c'est une version auteur. Vous le mettez en PDF, en texte, sans le formatage, sans les éléments sous droit d'auteur. Bien sûr. Comment on fait sinon? On doit payer pour son propre travail. Je pense qu'on n'avait pas le droit de le diffuser. Non, vous n'avez pas le droit de diffuser votre article. Vous avez le droit de diffuser votre travail. Vous comprenez la différence? Eh oui, il faut être plus malin, il faut ruser, hein. On va pas payer pour lire nos propres articles. Hein. Excusez-moi, justement par rapport à ça, le fait de pouvoir diffuser sur l'archive ouverte, ouais. Ça ne nécessite pas que le travail ait fait l'objet d'un article. Je sais pas, ça vous regarde. Si vous avez envie de diffuser des working papers ou je sais pas, votre carnet de terrain ou j'en sais rien, votre lettre au Père Noël, tiens. Si vous voulez, après c'est votre réputation que ça engage dans la nature des textes que vous diffusez. Évidemment, idéalement, ce système, il est fait pour parer à ce genre de problème, c'est-à-dire l'impossibilité pour un chercheur d'avoir le droit de parler de sa propre recherche, ce qui est un gros problème dans le monde de l'édition. Okay. Puisqu'on écrit un article, puis finalement on n'en est plus propriétaire. On doit payer, on veut consulter son propre truc, on veut donner à ses collègues. Oui, mais le labo n'a pas payé le droit d'accès à la revue parce que ça coûte des milliers de dollars ou des milliers d'euros. C'est une question de valorisation, quoi. Vous pouvez diffuser ce que vous voulez. Après, si vous diffusez des papiers qui sont sous forme non relue, non validée par des instances ou dont vous n'êtes pas très sûr, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Moi, je sais pas, je verrai ça comme ça. Parce que c'est vrai qu'après, vous avez raison, hein, 20 ans plus tard, il y a des trucs qui peuvent vous retomber dessus. Bon, après, je sais pas, j'ai jamais vu. Enfin, peut-être ça existe, mais je vois pas une commission de recrutement qui va dire: mais monsieur, en 1985, vous avez publié un article, c'était pas terrible quand même. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça, mais c'est vrai que des fois, ça peut rester si l'article marque parce qu'il est spécifiquement mauvais. Du coup, il sera beaucoup cité, donc vous aurez votre facteur qui va remonter, donc c'est bien. Mais voilà, donc c'est sûr, mais bon, après, je sais pas. Je vois beaucoup d'auteurs aussi un petit peu plus âgés qui disent bon, voilà, il y a ces articles-là, c'est plus des péchés de jeunesse, entre-temps, etc. Surtout dans une génération qui a été très influencé par, je sais pas, par le marxisme, etc. Vous prenez les vieux articles d'auteurs qui sont un petit peu âgés, et c'est assez rigolo de les lire, parce que c'est pas du tout... ça leur brûlerait les doigts, si les avaient en main. Oui, il y avait une question là. Alors, moi, je suis en droit, et le problème, c'est que, bon, justement, le côté formaliste et le côté de la rhétorique qui va avec, c'est très important. Mais le problème, c'est que... pour ma part, en étudiant seulement la rhétorique, je ne suis pas à côté de quelque chose d'essentiel, c'est que qu'est-ce qui reste sur le fond. Parce que bien souvent, en fait, ce que je reproche aux articles chez nous, c'est qu'il y a trop de rhétoriques qui sont en place et vous vous démontrez plein de choses, vous avez quelque chose d'extraordinaire, pour finalement soit dire bah non, je tourne en rond, donc c'est impossible d'apporter une réponse, ou de nous faire croire qu'il y a une illustration alors que finalement. Plus grand chose. Et donc, comme en parallèle du doctorat, je me confronte également à l'enseignement en tant que chargée de travaux d'EEG, par rapport à la formation d'étudiants, justement, je trouve que c'est pas mal fait chez nous parce que à chaque étape a son objectif. Donc, déjà, on leur apprend de cerner l'altérité entre les différents professeurs, entre les différents propos qui existent, de pouvoir restituer, de pouvoir. Éventuellement critiquer les uns à l'aide des autres. Ouais. Et voilà, et puis après, à la fin d'un processus en master, là, on leur demande de proposer vraiment quelque chose, peut-être un angle nouveau, et là, éventuellement, de penser qu'il y a quelque chose que personne n'aurait pensé, n'aurait pu théoriser. Et ça, c'est oui, par rapport à la formation, à la recherche et pas à la recherche. Hein, je trouve que chez nous, déjà, on est trop étroit d'esprit. Enfin, je suis en droit public, en fait, et plus particulièrement en droit constitutionnel. Et la méthodologie que j'adopte, c'est de faire du droit comparé pour pouvoir justement avoir un angle différent, une prise de distance sur le propre droit constitutionnel français. Et je sais qu'auprès de mes collègues qui font seulement du droit constitutionnel français, je ne fais pas de droit. Parce que déjà, je ne peux pas maîtriser des langues étrangères et faire du droit en même temps. C'est pas possible. Et du coup, quels seraient pour vous, éventuellement, pour la formation à la recherche, justement, et par la recherche, les moyens d'essayer de contrer ça? J'ai vraiment pas de réponse sur ce genre d'aspect. Effectivement, bon, je pense que les critères de validation scientifique reposent sur le principe du peer reviewing, quoi. Et donc, on peut espérer que les relectures qui sont faites essayent de toucher au fond de l'article. Mais bon, on sait aussi qu'il y a des affaires comme l'affaire Sokal, des affaires d'imposture qui montrent bien qu'effectivement, on peut entendre rhétorique dans un sens somme toute très ornemental et puis qu'il n'y ait pas de fond, quoi. Donc peut-être que il y a des nouvelles formes éditoriales qui sont en train de se mettre en place, notamment dans ce contexte de débat sur propriété intellectuelle, droit d'auteur. Il y a des revues qui proposent une publication en ligne avec un système de peer reviewing très développé, où il y a vraiment une discussion entre l'auteur et son reviewer. Donc c'est pas juste on reçoit trois mots, oui, bien, reprendre telle partie, mais vraiment il y a tout un travail sur le texte. Donc là, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, la co-écriture du texte réellement, hein, par le reviewer et l'auteur. Alors je sais pas, peut-être que ces formes-là vraiment de travail à plusieurs autour d'un texte pourraient permettre une validation un peu plus en profondeur par rapport à ce qu'on sait. On sait aussi qu'il y a le nom d'auteur peut jouer et qu'il y a des textes qui sont pas relus parce que c'est machin et que ça fera très bien qu'ils publient dans cette revue et on se demande pas si c'est bien ou pas ce qu'il a fait, quoi. Il y a aussi la question de ne pas pouvoir publier le même article dans deux revues. Du coup, on a plusieurs vues, par exemple, d'accord, ça c'est version papier, et pas moyen de le republier ni dans une autre lecture, ni une autre revue version papier, ni numérique, ni sur Internet. Et on avait abordé le sujet de dans quelle mesure on modifie combien de paragraphes, combien de petits mots sur le deuxième pour que ça passe. Et il y a une personne qui est dans la communauté scientifique et de relecture qui m'a dit c'est très dommage parce que souvent on voit des articles qui sont à peine modifiés, qui n'apportent rien de nouveau et qui sont repris dans une autre revue papier, alors que du coup, on a tout simplement le même, qui n'est pas là. Ouais. Ça, c'est un vieux truc, c'est un vieux truc de chercheur pour faire du chiffre ou c'est de traîneur. On perd du temps à aller chercher un, il a écrit celui-là, il a écrit celui-là, puis en fait, on regarde les deux autres. Puis bah ouais. Ou simplement la traduction pour faire augmenter. On traduit un article dans 15 langues et puis ça y est, c'est parti. Voilà, ça, c'était M. Jalais aussi. Comment ça se passe au niveau de la. Si j'ai un article, je fais la traduction exacte et que je la propose à un revue avec lequel. Bah, si elle accepte, je veux dire. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toute manière? Vous traînez en justice? Par rapport à la revue que j'ai déjà publiée en France, par exemple, eux risquent de. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu, quoi, c'est ça? Est-ce que c'est pour valoriser votre travail? Est-ce que parce que vraiment vous dites quelque chose de plus intéressant? C'est quand même un plus pour une recherche. Je sais pas. Si, partout. Ouais, non, mais voilà, moi, j'en sais rien. En tout cas, du coup, c'est des questions qui ne concernent pas, je pense, uniquement les doctorants et la thèse, mais aussi toute la communauté des chercheurs face aux nouvelles pratiques doctorales et à l'exigence qu'on a de publier, qui finit par être parfois un peu idiote, c'est qu'on n'a plus le temps de lire ce que les autres ont publié. Donc, bon. Il y avait une question, oui. Et revenir sur un point que vous aviez abordé, à savoir la contradiction qu'il peut y avoir entre des proches idéologiquement, mais qui ont des sonorités différentes. Et parfois, il peut s'avérer que pour une proposition d'article, on ne trouve pas forcément, on nous reproche de ne pas avoir le ton juste, soit d'être dans quelque chose de l'ordre de l'essayisme, de l'assertion pure. Ou alors d'être trop universitaire, trop terre à terre. Et à chaque fois, il y a un problème qui se pose, c'est de trouver la juste distance, le point d'équilibre, afin d'être un tout petit peu dans l'essayisme, tout en restant dans le domaine universitaire. Et comment arriver justement à cerner ce point d'équilibre qui nous permet d'être considéré d'avoir un article qui réponde aux attentes, aux aspirations des experts, des comités de lecture. Là non plus, j'ai pas tellement de réponse, si ce n'est pareil, cette idée d'écrire à plusieurs, quoi, de mobiliser des gens de votre réseau, qu'il s'agisse de votre directeur de recherche, de gens de votre équipe de recherche, et se dire que c'est par ces va-et-vient avec différents lecteurs que peut-être votre. Et avec des relectures un peu attentives, un peu fines, hein, pas simplement des remarques générales, mais qui vous disent vraiment dans le texte, peut-être, de modifier telle ou telle partie. Voilà, je me dis que ça peut être une manière de passer de son écrit pour soi à cet écrit pour telle ou telle revue. La relecture est de toute façon indéniable, incontournable. Mais je pense qu'il faut être pragmatique surtout hein, par rapport à ça. Parce que pour un article soumis à une même revue, vous aurez deux relecteurs. Les deux relecteurs peuvent avoir des avis diamétralement opposés. Hein, et ils ne se consultent pas toujours. Hein. Il y en a un qui vous envoie une note disant c'est trop long, et l'autre qui vous envoie une note disant c'est trop court. Comment faire à ce moment-là? Il faut trouver le juste milieu. Moi, je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas, je n'ai pas de conseils à donner, mais ce que je fais moi, c'est que je suis à la lettre ce que disent les relecteurs systématiquement. Ça dépend de quel est votre objectif. Si votre objectif, c'est de publier dans cette revue, c'est pas une réaction d'ego qu'il faut avoir. Il faut dire, mon objectif, c'est publier dans cette revue, ils veulent un article comme ça, je leur donne un article comme ça. Et ils veulent des points virgules et pas deux points, ils veulent telle formulation et pas telle autre, ils veulent que je... par exemple, très simple. Pour contribuer au numéro thématique de la revue Scripta sur l'écriture, auquel j'ai contribué, donc coordonné par Fanny, l'article écrit par moi. Il voulait absolument que j'aborde le cas des littératies, que d'une part je ne connaissais pas, et quand je me suis mis à chercher, c'était quelque chose qui vraiment ne m'a pas convaincu. On m'a dit, mais si, les littératies c'est important, vous ne pouvez pas faire un article là-dessus sans parler des littératies. bon, j'ai mordu sur ma chic, hein, comme on dit en Belgique. C'est-à-dire que j'ai fait un paragraphe sur les littératies, ils étaient contents, j'avais fait un petit effort, chacun avait fait un pas, et puis c'est passé. Voilà. On n'a pas été convaincu, mais c'est passé. Voilà, c'est ça. Voilà, je pense qu'il faut être très, très pragmatique comme ça, hein, parce qu'il n'y a pas assez comme ça que ça marche, tout simplement. Hein. Ce qu'on a constaté ici, et plusieurs éditeurs, enfin plusieurs membres de revues qui sont venus ici parler au sujet des revues, nous ont dit, le problème avec les doctorants, souvent, c'est que les articles qu'on renvoie pour modification ne reviennent jamais. C'est-à-dire que les gens à qui on renvoie un « oui, mais », le prennent pour un « non ». Alors qu'en fait, c'est négociation permanente. Alors peut-être pas en cas de refus strict et définitif. Hein. Là, vous êtes trompé de cible, ou alors simplement, vous avez mal fait votre travail. Hein. Ça arrive. L'échec fait partie du processus de publication. Hein. Il ne faut pas croire que même les gens très connus et qui passent pour absolument géniaux ont tous leurs articles acceptés dans toutes les revues. C'est pas vrai. Ils se font débouter aussi. Il y a des revues qui jouent le jeu de faire l'évaluation à la main. Mais il faut être pragmatique, quoi. Tout simplement. Il faut faire à la lettre ce que les relecteurs veulent. Comme ça, après, ils ne pourront plus rien vous dire. Et l'article, il passe. Alors, il n'est pas exactement comme vous voulez. Bon, peut-être qu'il n'était pas aussi parfait. Donc, il faut ménager la chair et le chou, quoi. Ça fait partie du processus et ce n'est pas qu'un arbitraire dans la mesure où, si on écrit justement pour des lecteurs, on peut se dire que si on bénéficie de leur retour, c'est ce qui va faire qu'on va être lu aussi, quoi. Donc, il faut le voir vraiment comme un... En lien avec le fait que, bon, même si on parle du nom d'auteur, du fait qu'il faut publier, devenir quelqu'un de prestigieux, être un chercheur d'excellence et que sais-je encore, c'est une activité collective, quoi, quand même, la recherche. Donc c'est bien en travaillant comme ça ensemble, avec des retours qui sont peut-être un peu durs pour l'ego parfois, mais c'est aussi le principe même qui est au cœur de la validation scientifique. Elle repose vraiment sur ce système de reviewing, quoi. Donc c'est pas... C'est pas tout seul qu'on décide que ce qu'on a fait fait avancer la science. Enfin... D'autres interventions, d'autres questions, oui. Oui, est-ce que vous avez eu l'impression que c'était difficile de trouver des tests de doctorants dans le corpus que vous avez étudié ? Est-ce qu'il y aurait un filtre à la publication des doctorants ou, Alors c'était en 2002 que j'ai constitué le corpus. Les choses changent très vite, vous l'avez dit à propos des écrits électroniques. Là, bon, en 2002, il y avait rien en ligne. Hein. J'ai eu un corpus avec des disquettes qui m'étaient envoyées par les revues. Enfin, les choses changent très très vite. Donc, mais à cette époque-là, quand j'ai demandé aux revues, c'est un peu dur de savoir si les auteurs d'articles étaient des doctorants ou pas. Ça a été un petit peu laborieux d'obtenir ces informations-là. Mais effectivement, il y a des revues qui m'ont dit « Nous ne publions pas de doctorants, sauf si ils co-signent l'article avec leur directeur de recherche. » Mais ça, c'est quelques revues. Et je pense qu'en fait, maintenant... je ne sais pas, hein, justement, il faudrait vraiment avoir des données plus précises, mais... Je pense que tout ça change assez vite. Maintenant, on entend dire qu'il n'y a que les doctorants qui font la recherche, par exemple. Donc, c'est un peu le point de vue inverse. Vous savez, les revues, elles cherchent avant tout des bons articles. Elles s'en foutent de savoir si vous êtes doctorant ou pas doctorant. Il faut, c'est sûr, on ne peut pas se permettre la même chose quand on est Pierre Bourdieu et puis doctorant de première année. Hein, Mais voilà, je pense que la qualité, elle n'est jamais vraiment négociable, en fait. Hein, qu'on soit d'un côté de la barrière ou qu'on soit de l'autre, elles veulent des bons articles. Après, c'est pas... Ah non, un doctorant, non. C'est plutôt l'inverse, en fait. En tout cas, de ce qu'on a vu ici au séminaire, les revues qu'on a reçues pour parler de leur stratégie de publication nous disaient « Mais on ne croule pas sous les propositions d'articles de doctorants. » On s'imagine comme ça que les doctorants, wow, des milliers d'articles, et puis que les revues évitent comme ça de les publier. Mais non. Il n'y a pas tant que ça, donc je pense que c'est plus... Il les regarde vraiment. Bien sûr qu'il les regarde. Il n'y a pas de raison qu'il ne les regarde pas. Enfin, ce serait vraiment suicidaire pour une revue de dire « Je me prive du contenu par principe, parce que c'est des doctorants, ça peut être des trucs super. » Ou de dire « Ah, tel nom, ah ouais, je publie les yeux fermés. » Ah non, là, il y aura une mauvaise surprise. Hein. Il y a des gens... Christine Langlois, qui est venue parler pour la revue Terrain, que je pense quand même vous connaissez, a dit... Je ne sais plus quel était le nom, elle ne l'a peut-être pas cité, mais voilà, il y a un grand nom qui est venu comme ça, un petit peu drapé, je ne sais pas, auréolé d'un prestige universitaire, il s'est fait recaler parce que ça n'allait pas. Donc, alors après, il gueule, évidemment, hein, sinon on appelle derrière la revue pour dire « comment vous publiez pas mon truc ?» Oui, là forcément, on n'a pas le même poids, ça ne veut pas dire qu'il sera publié si on est très connu, hein, mais Voilà, simplement. Les revues ont des réputations à défendre aussi. Hein. Si elles publient des gens connus mais qui écrivent des trucs pas terribles, ou si... et puis des fois elles font des coups de pub aussi. Hein. Comme un article, bah tiens, une revue qui est sortie, vous chercherez laquelle. C'est un inédit de Marcel Mauss, par exemple, là c'est un coup de pub quoi. Ou alors une traduction inédite d'Howard Baker. Alors là c'est coup de pub, on est sûr que celle-là les gens vont la lire. Mais c'est des notes de cours. Par une étudiante à l'époque de Marcel Mauss en 1937, elle a 90 ans, elle ne se rappelle même plus du truc, elle a retrouvé ça dans le fond de son tiroir. Et on publie ça dans une revue de rang A, préfacée par Jean Jamin, et on dit waouh, alors là c'est super, un inédit de Mauss. Non, c'est trois notes de cours sur ce qui est devenu le manuel d'ethnographie, bon là c'est clairement un coup de pub. Donc vous voyez, il faut être aussi faut être pragmatique et voir un petit peu concrètement ce qui se passe dans les stratégies. Un vrai encouragement à dire, c'est pas la même d'avoir la place pour. Question de point de vue, il y a des directeurs qui incitent, il y en a qui au contraire disent non, il vaut mieux pas, pour les raisons que ça va laisser des traces dans votre CV, ou que vous n'êtes pas prêt, que vous allez vous disperser, il y a mille raisons. Après, techniquement, si vous avez votre thèse, je sais pas moi, en septembre 2013 et qu'en octobre ou en novembre, bah, ça dépend du calendrier, vous faites les auditions pour la qualification ou je sais pas quoi, ou vous faites votre concours CNRS et qu'il n'y a pas de... Parce que vous n'avez pas eu le temps de publier entre le moment où vous avez déposé votre manuscrit et le moment où vous présentez votre dossier, bah je sais pas, bonne chance en commission, sans article publié quoi. Donc si vous ne le faites pas pendant la thèse, je vois pas quand... Enfin, je sais pas quand est-ce qu'on peut le faire en fait. Je vois pas comment... Ou alors c'est après qu'on a déposé, qu'on est soutenu, on se dit je vais mettre un an au chômage, parce que finalement de l'argent j'en ai trop, je vais faire que publier, et puis comme ça j'aurai un dossier bien béton. Il y a une question de continuum et de rythme de publication, quoi. Savoir qu'un article, ça peut mettre 6 mois à paraître. Hein. Facile, hein. Même un an, hein, souvent. Hein. Donc, attention, si vous êtes à un an de votre soutenance de thèse et que vous n'avez rien, il faudrait quand même un petit peu accélérer pour ne pas se présenter. Après, il y a d'autres questions. Il y a la question de l'originalité aussi. Hein. Est-ce que je dois publier des éléments qui sont repris dans ma thèse? Bon, il y a certains directeurs qui tiquent là-dessus parce qu'il faut que ce soit un manuscrit 100% original. Donc, voilà. À l'inverse, à l'inverse, j'ai la situation où j'ai parlé de la méthodologie, je pense que c'est la méthode, et ça tombe pile pour mettre dans la partie 2 méthodologique que la thèse. Vous voulez dire passer de la thèse à l'article? Non, au contraire, j'ai écrit un article et je voudrais le mettre dans la thèse. Ça dépend des disciplines. Vous allez en économie, dans certains départements d'économie, une thèse c'est 5 articles collés ensemble et ça fait une thèse. Voilà. Il y en a d'autres où c'est... Ça dépend des disciplines, ça dépend des trucs, quoi. Mais il faut savoir que... Tout ça dépend des gens. Dites-vous, il n'y a pas de position de principe. Hein. Ça dépend des gens qui vont vous évaluer et ça dépend de votre jury et ça dépend de votre directeur. Si je vous dis non, bah, est-ce que vous acceptez d'aller au conflit ou à la négociation pour dire bah si mais ce truc ça vaut vraiment le coup, est-ce que vous prenez pardon? Oui, vous venez le 18 février. Très bien. Vous venez le 18 février pour entendre Monique de Saint-Martin qui va nous parler de que faire des conseils de son directeur ou de l'absence de conseils. Voilà. Bon bah, très bonne conclusion. Merci Fanny. Donc rendez-vous le 18, même heure, même salle normalement, et si ça change, et ben, on vous préviendra par mail. Ça concerne pas la France, votre recherche?